Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui David Azincote. Salut. Salut David, comment tu vas? Bah, écoute, ça va comme tout le monde au chômage. Oh là là. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah écoute, de rien, hein, ça fait plaisir, je suis très content qu'on m'appelle. Je suis très content de reparler à des gens. Ah bah le plaisir est partagé, c'est vrai qu'on sait, on sait qu'en ce moment, la moindre chose qui nous rapproche de l'humour ou de la scène, tout ça est bonne à prendre. Ouais. Moi, le premier, le podcast, je crois que c'est mon moyen de survie, tu sais. Oui, il faut faire un truc, sinon on crève. Après, là, vraiment, là, c'est la catastrophe. Là, on est oublié de toutes parts, on est non essentiel, comme disait notre ami. Ouais. Et oui, mais bon, c'est pas grave, on va continuer et puis on va se relever. Et on va reprendre le chemin des salles et retrouver notre public chéri avec grand plaisir. Voilà, soyons optimistes. C'est ça. et alors, parlons galère. Ouais, parlons galère. Tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Oh bah évidemment, j'ai des bides comme tout le monde, des bides monstrueux. Moi, j'ai une grande spécialité, c'est de réussir une scène extraordinaire devant 500 personnes le mardi. Et le mercredi, je joue devant beaucoup moins de gens et ça ne marche pas du tout. Et c'est le soir où il y a quelqu'un d'extrêmement important dans la salle. Voilà. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive avec Jean-Marc Dubontet, par exemple. Il n'était pas là le soir où il y avait 500 personnes qui se marraient. Il était là le lendemain. Donc forcément, tu es un peu agacé après. Et puis, j'ai une anecdote assez moi qui me fait rire. Après, c'est peut-être de l'humour noir. Je faisais un festival en montagne il y a quelques années. Avec d'autres humoristes que je peux nommer. Il y avait Hakim Omiri, il y avait Mathieu Chalk et Rémi Sanaka. Uh-huh. Et Mathieu était en duo à l'époque avec un musicien. Et on jouait en fait dans des petites stations UCPA. En fait, on avait une semaine de ski gratuite en échange de jouer trois fois dans des stations UCPA. UCPA fait souvent ça, enfin faisait souvent ça. Donc c'était cool, on skiait dans la journée. Et puis le soir, on nous emmenait dans différentes stations. Et donc, on nous emmène dans une station. Alors c'est Arc, les Arcs, 1006 ou 1008, je ne sais plus. On arrive dans une espèce de bicoque sur un promontoire entouré de neige et tout, et puis à l'intérieur c'était super, il y avait une énorme salle, il y avait au moins je sais pas 200 personnes, très très bonne ambiance, mais il y avait ce qu'on appelle en anglais un heckler, voilà, qui n'arrêtait pas de nous répondre en fait, de parler, on passait les uns après les autres et à chaque fois elle interrompait nos sketchs en parlant très fort parce qu'elle était bourrée en fait. Oh. Et à un moment donné, on commence à lui dire, je sais plus qui commence à lui dire, comment tu t'appelles, Nicole, bah Nicole, ferme ta gueule, bon voilà, les trucs habituels. On essaye de la calmer. Bon, la salle évidemment est avec nous, donc c'est facile de se moquer d'elle. Elle le prend bien, elle rigole, elle continue à parler, à boire. Et puis à un moment donné, on fait tellement de vannes sur elle qu'à la fin du spectacle, en fait, on la fait monter sur scène. On n'est pas rancunier, le directeur de l'UCPA l'a fait monter sur scène. Alors Nicole, t'as passé une bonne soirée? Ah, j'ai passé une bonne soirée. C'était une dame d'environ 55 ans, tu vois, un peu genre prof qui approche de la retraite. J'ai passé une bonne soirée. Dis donc, alors tu veux continuer dans la comédie? J'aimerais bien. Non, il vaudrait mieux que t'arrêtes. Bon voilà, ce genre de vannes, etc. On rentre à notre station avec notre petit bus et le lendemain matin, on nous appelle et on nous dit la dame que vous avez fait monter sur scène hier soir a disparu. Si je vous racontais, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous croyez qu'on l'a enlevé? On l'a mise dans notre petit bus avec Scooby-Doo et Samy. Non, c'est quand même bizarre. Parce que vous êtes les derniers à l'avoir vu. Comme dans les films. Vous avez été soupçonné de. On dit au mec de super, on dit ça veut dire quoi? La gendarmerie veut passer prendre vos dépositions, etc. Non, mais c'est pas sérieux, quoi. Et alors ils disent à l'UCPA dans l'autre centre, ils disent on a sa chambre, on est rentré dans sa chambre parce qu'ils savent ils dorment à plusieurs, c'est comme des dortoirs un peu, son lit n'a pas été défait, etc. Donc, ça veut dire quoi, hein? Et en fait nous on part skier et puis on rentre en fin de journée et ils nous disent c'est bon, on l'a retrouvée, elle est morte. Ça c'est quand même une galère assez évidemment ça n'a rien à voir avec nous, hein. Je précise, ça n'est pas moi qui l'ai tuée, ni moi ni mes camarades. En fait, cette pauvre femme était tellement saoule qu'en fait elle est sortie sur le parking du CPA et elle a voulu prendre des photos en selfie. Et elle est montée sur le toit d'une voiture on sait pas très bien pourquoi, et elle est tombée en fait dans un ravin. Donc c'est un peu les Darwin Awards, c'est les morts stupides. Et donc les gendarmes ont eu la preuve que c'était qu'on n'avait rien à voir avec nous parce qu'ils nous ont dit les photos prouvent ce qui s'est passé. La dernière photo, c'est les photos de la chute en fait. Mais c'est digne d'un film, ça. C'est digne d'un film, voilà. Alors c'est une anecdote que j'ai mis beaucoup de temps à raconter parce que je me suis dit ça ne fera pas forcément rire tout le monde. Mais en fait, à chaque fois que je la raconte, les gens sont c'est fou. Je vous assure, tout cela est vrai. Ça s'est exactement passé comme je l'ai raconté. Et donc voilà, c'est la morale de cette histoire, c'est que cette femme quand même a passé une excellente soirée. Mais et voilà, donc c'est une des histoires les plus folles que j'ai. Que j'ai connu sur scène. Après, évidemment, j'en ai d'autres qui sont peut-être un peu plus légères, mais où il y a beaucoup plus d'insultes. Donc, je la raconterai peut-être pas forcément, mais j'ai eu évidemment des galères avec des spectateurs qui étaient vraiment relous, quoi, qui ça finissait par des choses pas forcément rigolotes. Mais bon, voilà. Donc, celle-là, elle est spectaculaire, quoi. Elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal. Moi, je peux dire que donc un de mes spectateurs est mort juste après mon spectacle, quoi. Oula. Ouais. Oh là là là là. Ah, c'est incroyable. Ouais. Voilà. Mais ceci dit, si un jour on vous propose de faire des spectacles en station, faites-le. C'est super. C'est très très bien. Tu manges beaucoup de raclette. Ne faites pas attention. Si vous avez des hecklers dans la salle, faites pas attention. Voilà, ne leur donnez pas trop d'importance parce qu'après, ils disent « j'ai passé une excellente soirée, je vais aller prendre des photos sur le parking ». C'est une très mauvaise idée. C'est chaud. Sinon, retirez-leur leur portable. Ou retirez-leur leur portable, exactement. Ça peut être pas mal, ça. Et leur bouteille. Ouais. Oui, je pense que c'est la bouteille qui est plus dangereuse que le portable. Oh là là, mon Dieu, c'est incroyable, quoi. Et alors, pour finir sur cette anecdote quand même, parce que moi, ma première réaction, ça a été mais c'est horrible, il va y avoir un article dans le journal, etc. Et non, il n'y a pas eu d'article dans le journal. C'est le genre de fait divers qui sûrement arrive beaucoup, et surtout, les stations de ski n'ont aucun intérêt à les rendre trop publiques, et la gendarmerie en général reste assez discrète. Et voilà. Et tous les clubs Mel, les CPA, les trucs comme ça, tous les clubs de vacances en fait ont plein d'accidents comme ça tous les ans, parce qu'après je me suis renseigné et en fait ça arrive tout le temps. Alors je dis pas qu'il y a des centaines de morts sur les dizaines de milliers de stagiaires qu'il y a chaque année, mais il y a des accidents, il y a des noyades, il y a des accidents de gens bourrés qui tombent dans la piscine et qui voilà, et il y a des accidents de ski, il y en a tous les ans bien sûr, des vrais accidents de ski, donc ça arrive tout le temps en fait, c'est juste que voilà, ce soir-là c'était nous. Moi, ce que j'ai entendu par rapport à ces histoires de selfies et tout, c'est que c'était une des causes les plus fréquentes de la mort en ce moment, tu vois, genre ces dernières années. Les gens qui veulent prendre des selfies un peu trop dangereux et qui se ratent, ou tu vois. Pour le coup, ça me fait penser à les mecs qui font des selfies sur les gratte-ciel. Là, il y a une mode de gens qui grimpent autour des gratte-ciel et qui font des selfies. Bon, voilà, on est, tu prends ton risque, quoi. Si tu meurs, c'est que tu l'as un peu cherché, quoi. Pour le coup. Non, voilà. Attends, moi, tu sais quoi, j'ai tellement peur. En plus, moi, j'ai le vertige. Je te promets, j'oserais même pas prendre une photo, tu sais, genre un selfie, en face d'une photo de gratte-ciel, pour te dire, tu vois. Je prends même pas le risque, je veux pas. Ah non, je pourrais pas. Ces vidéos-là, tu sais, je les regarde et tout, quand tu vois les mecs, ils font des vidéos en mode vertige niveau 1, vertige niveau 2, machin. Non. Niveau 1, déjà, je suis mort. Hein, c'est même pas la peine. Hein. Oh là là. Oh mon Dieu. Enfin bref. Mais heureusement, du coup, ça se termine bien pour vous, parce que imagine si ça avait été un petit peu plus, par exemple, si elle était décédée dans un endroit où on l'avait pas retrouvée et exactement. Qu'on aurait pensé que vous l'avez kidnappée ou quoi. Les interrogatoires. Ouais, voilà, mais de toute façon, je veux dire, ils allaient. Enfin, il n'y avait pas vraiment de raison, parce que bon, elle vous a heclé, vous avez répondu. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas comme si quelqu'un, genre, s'était énervé contre elle ou je sais pas quoi. Non, bien sûr, c'était pas. On l'avait pas. Alors, si, il y a quand même un des humoristes qui. Je dirais pas qui c'est. Oula, tu me fais peur là. Tu me fais qui peur. Qui a quand même dit sur scène, écoute, Nicole, le mieux, ce serait que tu meurs. Oh et mon Dieu. C'est fou. Parce qu'après tout, évidemment. Bon, c'était pas moi. Et après coup, l'humoriste en question se disait ah merde et tout. Et genre, c'est vrai que c'est dérangeant parce que tu te dis. Oh mon Dieu! Oh là là! Est-ce que ça, ils le savaient ou pas, les gendarmes? Non, on leur a pas donné tous les détails quand même. Parce que là. Mais c'est vrai qu'après coup, on s'est tous dit. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on a tous souhaité que cette femme disparaisse. Donc on s'est dit waouh, c'est quand même. Un truc karma ou je sais pas quoi, de vengeance cosmique assez bizarre quoi. Mais voilà, mais en tout cas, on n'a pas été interrogé par la police très longtemps. Ouais, là c'est carrément. Ah oui, là ça a pris carrément une autre dimension, là, l'anecdote. Ah oui, mais donc, bon. C'est vrai. Donc, faut enlever les portables, faut enlever les bouteilles, et il faut surtout pas souhaiter la mort à quelqu'un sur scène. Il faut pas souhaiter la mort des gens, ça c'est sûr, mais il faut pas non plus faire chier les gens qui sont sur scène. Sinon... Bah c'est vrai, non, mais les hecklers, en fait, bah, ça dépend. Là, c'était l'alcool. Hein. Mais quand c'est même pas l'alcool, moi, ça me rend encore plus énervé. Tu vois, c'est insupportable. C'est parce qu'il y en a, en fait, si tu veux, l'alcool, bon, l'alcool n'excuse pas tout, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais je veux dire, l'alcool, au moins, tu te dis, la personne, elle n'est pas dans son état normal. Mais quand une personne est parfaitement à jeun et qu'elle continue à troubler le spectacle, tu as envie de dire, mais c'était quoi ton but quand tu es venu dans cette salle ? C'est vraiment. Pourquoi ouais. Ben voilà, est-ce que vraiment c'était prémédité ou tu vois ? Laisse-nous faire notre. Ouais, ou c'est un sport, est-ce que c'est ton sport ? C'est ton sport de la journée de venir faire. d'emmerder les gens sur scène. Par contre, j'ai une anecdote qui est. Enfin, c'est pas vraiment une anecdote, c'est juste une réplique qui m'avait fait rire. Quand j'étais à Avignon, souvent, tu as quand même des soirées très différentes les unes des autres. Uh-huh. Tu as toujours une soirée où ça se passe pas bien. Ça, c'est. Ouais. Bah, je trouve, moi, qu'il y a toujours une soirée où ça se passe pas bien, où ça marche tous les soirs, et puis un soir, tout le monde fait la gueule, je sais pas pourquoi. Mais une soirée, j'avais quand même des petits vieux, deux petits vieux au premier rang, et en fait, ils commentaient tout ce que je faisais. Mais c'était les petits vieux. Alors pour ceux qui ont la référence, qui sont vieux comme moi, c'était les petits vieux du Muppet Show, quoi. C'est exactement l'image que j'avais. C'était Statler et Waldorf. Et en fait, les deux petits vieux commentaient. Et à un moment donné, ils ont carrément dit « Ah, elle est pas mal, celle-là. Ah ouais, elle est pas mal. » C'était vraiment les deux petits vieux. J'explosais de rire. Et voilà, à partir de là, c'est devenu là. Je les ai laissés faire pendant quelques minutes. Puis après, à partir de là, c'est devenu un gag pendant toute la soirée. Tu t'en as joué, quoi. Voilà, j'en ai joué. Mais là, c'était pas vraiment du éclair, quoi. C'était plus… Ouais, alors, il y a aussi, voilà, le deuxième cas, c'est des gens qui te heckle, tu vois, mais involontairement. C'est-à-dire là, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des personnes, en fait. C'était genre, tu sais, tu as deux personnes qui sont venues et il y en a une qui entend très, très mal, tu vois, ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Voilà, et du coup, l'autre lui répète les blagues, quoi. C'est horrible. Mais après, tu peux même pas leur en vouloir parce que tu te dis si la personne elle le fait pas, l'autre elle va rien. On est toujours, tu sais, quand t'es humoriste, quand t'es sur scène, t'es toujours à ménager la chèvre et le chou, tu vois. Ouais, t'es partagé. Tu te dis, alors, est-ce que j'interviens ou pas? Est-ce que je laisse faire? Est-ce que bon, là ça peut passer? Mais parce que tu sais que ça peut refroidir la salle, quoi. Ouais, bah oui, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de refroidir la salle, justement. J'aimerais dire que c'était à mes débuts, mais ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a longtemps maintenant, avant tout ça, avant la pandémie, mais une fois où je me suis énervé dans un comedy club, en fait, parce que ça parlait trop, et j'ai tendance à être un peu prof, moi, en fait. Prof qui s'énerve, tu vois. Genre, ça va au fond ? C'est cool ? Ça va ? Je vous dérange pas ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Voilà, du coup, ça refroidit un peu les gens, donc il faut toujours que je fasse attention, que je respire un grand coup avant de dire un truc, parce qu'après, après, il y a des fois où je suis très content de ce que j'ai dit et où ça a très bien marché pour calmer tout le monde, mais c'est important qu'à ce moment-là, et ça, c'est un vrai conseil qu'on donne toujours aux humoristes, c'est qu'il est important que la salle soit avec toi dès le début. C'est-à-dire que si tu veux faire taire quelqu'un qui emmerde tout le monde, c'est plus facile s'il a... Enfin, justement, s'il emmerde tout le monde, c'est plus facile. Moi, en fait, j'essaie toujours de faire gaffe à ça. Alors, le truc que je fais, moi, au début, j'avais tendance, dès que quelqu'un parlait ou quoi, je disais, s'il te plaît, tu peux arrêter de parler et tout. Tu sais, c'était un peu trop froid, en fait. Donc, ça m'est arrivé de refroidir. Voilà. Mais j'ai trouvé une technique. Enfin, une technique. En fait, c'est une question de survie, malheureusement. C'est que tant que ça me dérange, moi seulement, je m'en fiche. Exactement. Voilà. Et quand je vois par contre les spectateurs dans la salle qui commencent à se retourner et à souffler et tout, là j'arrête le truc, je dis non, excusez-moi. Exactement. Je dis moi, tant que ça me dérangeait moi, c'était pas grave, mais là vous dérangez les autres et il est hors de question que je vous laisse déranger les autres. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en plus, des fois, tu as envie de réagir et en fait, tu comprends qu'il n'y a que toi qui l'entends, la personne, par exemple, si c'est lent ou si. Tant que c'est ça, ça me va. Mais à partir du moment où ça englobe les autres spectateurs, là il est hors de question parce qu'eux ils connaissent pas mon spectacle, tu vois, moi je le connais. Ouais. Mais eux, ils ne le connaissent pas. Donc, je veux qu'ils en profitent. Ils ont payé, ils veulent écouter. Voilà, si tu veux discuter, sors. Ceci dit, le pire du pire, je pense, et ça m'est aussi arrivé dans les spectacles où j'étais juste spectateur, c'est les gens qui respirent fort. Parce que tu ne sais pas quoi dire. Si tu dis, elle pouvait respirer moins fort, un mec va dire, bah ouais, mais si j'arrête, je vais mourir. Donc, il n'y a pas vraiment de solution, en fait. Tu ne peux rien faire. Faut juste ne plus entendre le bruit en disant, c'est pas grave, c'est la clim. J'ai pas entendu ça encore. Ah, moi, c'est Marius. Ça. Si tu te focalises dessus, tu deviens fou, en fait. Tu t'entends tout le temps. C'est genre Dark Vador est dans la salle, quoi. Si tu fais cette vanne du genre Dark Vador est dans la salle, le mec va te dire excusez-moi, j'ai qu'un seul poumon, donc tu vois, c'est risqué. Ah oui, oui, c'est trop trash, quoi. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Bah, après, toi, ton style est quand même assez piquant, donc on pardonnerait à ton personnage de dire ça, quoi. Alors, on pardonnerait au bout d'un certain temps dans le spectacle, mais si c'est au début, par exemple, et qu'on n'est pas encore habitué, les gens peuvent le prendre mal. Et justement, parce que je dis des choses un peu piquantes, c'est bien que je sois pas trop piquant avec la salle. D'ailleurs, moi, jamais je fais de l'impro où je dis où j'attaque les gens sur leur physique, où vous êtes en couple et elle est, bah, comment elle fait pour être avec toi, etc. Jamais je fais ce genre de blague, en fait. Je ne fais jamais parce que je ne sais pas les faire bien, déjà, alors qu'il y a des gens qui les font très bien, et aussi parce que j'ai l'impression de sortir de ce que je raconte sur scène, en fait. Ouais, tu tiens voilà. À garder le piquant dans le texte, quoi. Voilà, exactement. Et sinon, moi, mais c'est pour ça que des fois, quand je suis tellement énervé que je ne le contrôle plus, c'est là que ça devient agressif. Avec le spectateur chiant, et c'est là que je fais des erreurs. Mais par contre, ça m'arrive de sortir, heureusement, quand même d'excellentes phrases pour calmer les gens en mettant la salle de mon côté. C'est un sport difficile, hein, c'est un sport extrême. Hein, c'est un sport extrême. De calmer le heckler tout en conservant la sympathie de la salle. Mais alors, une fois, j'en ai dit une parce que je m'en rappelle encore, parce que ça m'a étonné même que ça vienne si vite dans ma tête. Il y avait une fille, c'était au Paname, il y avait une fille qui avait un chien, un petit chien sur... sur les genoux, une espèce de horrible petit chien, mais vraiment une espèce de c'est baby Yoda qui aurait eu un cancer, quoi, vraiment un truc horrible. Et avec pas de poils, enfin. Et elle parlait avec sa copine, elle parlait, et elle ne s'arrêtait pas. Et j'arrêtais pas de regarder vers eux, j'attendais que ça, comme tu le dis, j'attendais que la salle n'en puisse plus, et c'est ce qui s'est passé. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, c'est curieux, on dirait que ton chien fait caca et que ça sort par ta bouche. Voilà. J'imagine que toute la salle était crampée, quoi. La salle était explosée de rire. La meuf n'a plus rien dit, mais de sa vie, je pense. Et j'ai appris comme si de rien n'était. Mais je me suis dit encore, mais comment mon cerveau fonctionne à peu près, il est oxygéné, mais je me suis dit, mais quand même, j'étais ouais. Content de moi. Je me suis dit, cette blague est sortie de nulle part. Elle est sortie d'un coup. Je ne l'avais jamais sortie avant. Elle était parfaitement dite d'une traite. J'ai l'impression de sortir une vieille insulte, tu sais. Mon père est du Maroc, c'est le genre d'insulte qu'on sortait parfois, tu sais. Je parle pas arabe, mais je sais que c'est le genre de d'insulte qui pouvait sortir entre gamins pour s'envoyer des vannes, etc. Et c'est exactement ce genre de je me suis dit, c'est sorti des temps anciens, cette blague est sortie de moi, elle attendait depuis je sais pas combien de temps, et elle était là, il fallait qu'il y ait un chien et une bonne femme qui parle trop. D'accord, t'as eu les bonnes conditions, en fait, pour sortir. Ouais, voilà. Tout était réuni, quoi, voilà. Ouais. Mais c'est incroyable quand même. Hein. Au niveau en fait du fait que ton cerveau ait sorti ça, je pense que c'est parce que quand tu es sur scène, tu es en mode survie, tu vois, tu as de l'adrénaline, tu as plein de trucs et tout. Donc, ouais. Ton cerveau a été un peu boosté, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est exactement ça. Tu es dans une espèce de clarté, ouais, comme dans une bagarre, en fait. Tu as été boosté par l'urgence, quoi. Voilà. Mais bon, le fait est qu'il y a plein de fois où je n'ai pas réussi à sortir des vannes aussi évidente et aussi claire et aussi dévastatrice, surtout. Ben, j'avoue que ouais. La vanne était tellement précise que je comprends que la fille, elle n'ait rien dit. Je suis même étonné qu'elle ne soit pas sortie, tu vois. Alors, je pense que dans mon souvenir, elle a regardé sa copine, elles ont hésité, mais elles sont restées. Mais ceci dit, c'est au Paname, ça arrive quand même. C'est là-bas que je joue le plus, donc c'est là-bas que j'ai eu le plus d'anecdotes de problèmes avec des gens dans la salle. Moi, j'ai pas été là certains soirs où on m'a raconté que ça finissait réellement avec les meufs qui sortaient, qui allaient brailler. D'ailleurs, c'est pas vrai, j'ai assisté à ça une fois, où la meuf sortait alors qu'elle était, elle parlait, elle buvait, elle faisait du bruit avec ses copines. Donc, elle était foutue dehors et elle allait se plaindre ensuite. C'est-à-dire, les gens n'ont plus aucune limite, quoi. Ils vont se plaindre. Au patron en disant ouais, comment ça se fait? Et Karim il dit, mais attends, mais si vous croyez, vous êtes en train de foutre en l'air la soirée de tout le monde et vous voulez que. Et les gens se plaignent, c'est ça qui est fou, quoi. Ils n'ont aucune limite. Ben, je pense que malheureusement, mais c'est pas que dans l'humour, hein, c'est dans tous les commerces et tout, dans toutes les administrations, dans tout. J'ai l'impression qu'en fait les gens prennent trop au pied de la lettre l'expression, tu vois, genre le client est roi. Le client est roi, exactement, c'est ça. Le client n'est pas dictateur, quoi, en fait. Ben, voilà, ben, moi, j'ai entendu, moi, je ne sais plus dans quelle entreprise, il y avait quelqu'un donc, qui était venu se plaindre et tout, qui avait dit « Ouais, mais le client est roi et tout », alors qu'il était totalement en tort. Et la personne l'a repris, elle lui a fait « Non, le client n'est pas roi, le client est prioritaire, ce n'est pas la même chose. Tu vois » Prioritaire, et la priorité, genre, tu vois, c'est au cas par cas, quoi, on va dire. Et évidemment, si jamais tu n'as pas été servi correctement, machin, là, tu peux considérer que tu es prioritaire, mais si c'est toi… qui a fait n'importe quoi, ben monsieur, bonne journée à vous, je peux rien pour vous, moi. Tu vois non, mais c'est ça, mais les gens prennent trop ça. C'est, voilà, comme tu vois, tu as utilisé le bon mot, tu as utilisé le mot dictateur. On a fait des gens des dictateurs, des fois. Et comme ils sont aussi, bon, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu l'effet, à un moment donné, on ne demande qu'à en rire, au début des années 2010, il y avait vraiment l'effet où on sentait que des gens qui étaient habitués à regarder les humoristes à la télé arrivaient en salle et réagissaient comme s'ils étaient chez eux, quoi. Oui, Comme ça leur donnait un peu un pouvoir de jugement, quoi. Oui, non, oui, mais ils réagissaient comme s'ils étaient devant une télé, en fait. Ils parlaient, ils disaient, ah, c'est drôle, hein, file-moi des chips, c'est tout, quoi. Comme s'ils étaient chez eux sur leur canapé. Ah, Et d'accord, moi ça je se pensais que tu voyait. parlais du côté que le public donnait des Oui, notes et il tout. y avait ça aussi probablement, mais il y avait on sentait vraiment que c'était des gens qui se rendaient pas compte qu'ils étaient dans une salle devant un artiste D'accord. vivant. Ils passaient de la télé au spectacle Voilà. vivant, donc c'était. Enfin, pour eux, il n'y avait pas de différence, quoi. Et maintenant, je pense que ça peut aussi se retrouver avec des gamins, je dis les gamins parce que je pense que c'est plus des jeunes, mais pas forcément, qui regardent des youtubeurs et qui ensuite vont les voir sur scène et qui braillent comme s'ils étaient devant leur ordinateur, quoi. C'est vrai. Voilà, c'est bon, bah, faut s'habituer à ça, il faut être prêt effectivement à réagir s'il y a un problème, mais c'est dommage quand ça devient un vrai pugilat à la fin, quoi. Ouais, bah oui, parce qu'à la base, nous, toutes les personnes dans la salle, on les aime à la base. Oui, c'est ça, on arrive quand même avec une grande dose d'amour et on joue avec eux, c'est pas jouer pour les gens, c'est jouer avec eux, surtout en stand-up, c'est ce qu'on fait, on joue avec le public. C'est vrai. Donc si le public il est pas sympa ou si des gens après on s'éloigne un peu des galères, mais c'est plus la perception d'une salle. Ah, mais Mais ça reste des galères, hein. Gérer oui, une ça salle, reste ça une reste des galère. galères, bien sûr. À Avignon, justement, ça m'avait frappé d'avoir des gens qui clairement ne venaient pas te voir toi, c'est-à-dire ils venaient voir un spectacle, sûrement il devait être complet. Alors qu'est-ce qu'il y a à 14h? Bon, Ah, bon, ils bah, se rabattaient sur toi, quoi. il se rabattait sur toi. C'est comme la fête du cinéma. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Hein, qu'est-ce qu'il y a de libre? Et enfin, où est-ce qu'il y a de la place? Et donc, je me retrouvais avec, mais vraiment physiquement, je voyais un bloc de, ça pouvait être 7-8 personnes, pas forcément du même groupe, mais des gens qui bloquaient les autres. Et ça, je pense, c'est un truc qu'on met du temps à découvrir. Enfin, moi, comme je me suis mis à la scène assez tard, finalement, c'est tu vois physiquement un bloc de rejet, pas de haine, hein, de rejet de ce que tu fais, Ouais. qui empêche les autres de rire. Parce que ça, quand des gens rient pas au milieu d'une salle, Ah, ça ils frustre. empêchent Ouais. les autres de rire. Les autres osent pas rire, en fait. Bah, toi, t'es frustré, et puis les autres se disent ben, on doit rire ou pas Voilà, exactement. Et du coup, est-ce que c'est drôle ou pas? Et du coup, est-ce qu'on a passé une bonne soirée ou pas? Et en général, ils se disent, ben non, on n'a pas passé une bonne soirée, ce qui est vrai. Mais toi, Ouais. tu sais très bien que la veille, tu as joué le même texte d'une heure et que, bon, tu peux très bien rater quelques blagues, mais tu vas pas tout rater à ce point-là. Donc, tu comprends que oui, des fois, tu es tributaire en partie une partie du public, quoi. Après, évidemment, tu peux rattraper, tu peux changer tes blagues, tu peux improviser, tu peux faire plein de choses. Mais C'est des dur, fois, c'est très très dur. ben voilà, tu passes quand même une mauvaise soirée. Ouais, ben, en fait, j'ai l'impression qu'ils te font payer le fait qu'ils se sont retrouvés chez toi presque par hasard, quoi. Oui, ouais, je pense que ça joue. Ça En joue. mode, moi, je voulais pas être là à la base, moi, je voulais voir telle personne, mais il n'y avait plus de place, donc t'as Ouais. intérêt à être bon. T'as intérêt à être drôle. Et alors, ce que je comprendrais si c'était dans un plateau, tu vois, si dans un plateau, tu sais très bien que tu choisis pas qui tu vas voir, et donc il faut séduire les gens très rapidement avec ton passage de 5-7 minutes. Mais là, c'est pas pareil, là, c'est ton spectacle. En plus, tu as une présentation, tu leur dis ce que c'est, tu les préviens sur le type d'humour, tu as tout fait pour tu vois, les mettre en bonne condition. Et puis, ben non, ça va pas en fait. Les gens Non, n'écoutent pas, tu non, sais. non, les gens Ben, n'écoutent pas. il y avait Julie Villers qui m'avait raconté une anecdote. J'en profite pour la saluer. Elle avait son spectacle qui était déconseillé aux Déconseillé. moins de 14 ans, tu Ouais. vois. Donc, c'était marqué sur l'affiche, hein. Ouais. Et un jour, à Avignon d'ailleurs, elle avait genre des gens et tout dans la salle. Et il y avait une grand-mère avec les petits-enfants et les parents, tu vois. Ouais. Et donc, les parents se sont marrés et ils lui ont dit, ah, franchement, les petits, là, on aura des choses à leur expliquer. Donc, tu sais, ça restait bon Ouais, enfant. ouais. Et la grand-mère, elle est venue la voir, elle lui a fait, vous pourriez dire quand même que c'est déconseillé aux enfants. Hein. Et elle Ouais. lui a dit, ben, je l'ai dit en fait, C'est quoi, tu vois, vrai, c'est c'est marqué marqué. sur l'affiche. Ouais. Ouais. Mais tu vois, c'est comme moi dans le bus. Moi, je suis chauffeur de bus. Combien de fois les gens montent avec moi, ils regardent pas là où je vais, c'est marqué, hein, c'est marqué Ouais. aéroport ou je sais pas quoi. Ils montent avec moi, puis après ils me disent, mais vous allez pas, je sais pas, moi, vous allez Bah non. pas à ouais, genre, non, mais non, je vous avez, enfin, à la limite, parce que je sais aussi, je ne me moquerai jamais, mais je sais qu'il y a des gens aussi, même Qui des savent pas adultes, lire, qui malheureusement, disent voilà, qui ne mal, savent pas lire. voilà. Ouais, bien sûr. Moi, voilà, je fais très attention à ne pas vexer les gens. Quand les gens montent et me disent, Monsieur, vous allez à machin, Ouais. je leur sortirai jamais, vous savez pas lire. Ça, Ouais, je le bien dis sûr. pas. C'est trop méchant, je trouve. Je leur dis, mais si la personne monte, qu'elle ne lit pas ou qu'elle ne sait pas lire et qu'elle vient sans me poser la question et qu'après elle s'étonne de ma destination, Ouais. bah là, non, je suis pas d'accord là. Ouais, bah ouais. Enfin bon. Ouais. Donc, en résumé, mesdames et messieurs, pas d'alcool, ouais. pas de selfie, pas de chien, et lisez le contenu des spectacles, s'il vous plaît. Voilà, lisez la présentation, s'il vous plaît. Lisez, voilà, tout est marqué dedans. Si c'est marqué humour piquant, n'allez pas vous plaindre qu'il, ouais. qu'il y a des blagues piquantes. Ouais. Enfin, voilà, c'est comme ça. Bon, je pense qu'on a donné toutes les bonnes consignes. Hein. Merci ouais, beaucoup, David. Merci à toi. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh ben, David Azincote sur tous les réseaux sociaux, sauf TikTok et Snapchat, parce que je suis trop vieux. et tous les autres, d'accord, je suis, voilà, ouais. Twitter, Facebook, Instagram. Super. Ok. Et bah, c'est tout, en fait. Je mettrai les liens. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.